J'te fais des bisous, le travail m'appelle. Ce soir, je serai encore pas là. J'te fais des coucous par message, ma belle. Et ça, ça te rend malade. Je sais que tu boudes. Je sais que j'te saoule. Mais il faut des sous, tu vois. Car mes mots ne te suffisent pas. Si on se voit pas, c'est un problème de timing. Elle m'épouse, elle dit va-t'en. Elle me questionne, c'est qui ces filles ont elle vie. Moi j'ai besoin de vacances. Si on se voit pas, c'est un problème de timing. Elle m'épouse, elle dit va-t'en. Elle me questionne, c'est qui ces filles ont elle vie. Moi j'ai besoin de vacances. Tu veux savoir où je traîne? Je ne suis plus un gamin. Donc tous les jours on s'engueule. Ça me prend la tête, mais de quoi je me mêle? Occupe-toi tes fesses. Tu voudrais mon fan, t'as le même. C'est vraiment trop tôt. En vrai, tu vaux de l'or. Mais pourquoi me plier à tes sorts? Et même si parfois j'ai tort, pourquoi me plier à tes sorts? Je sais que tu boudes, je sais que je te saoule. Mais il faut des sous, tu vois. Car mes mots ne te suffisent pas. Si on se voit pas, c'est un problème de timing. Elle m'épouse, elle dit va-t'en. Elle me questionne, c'est qui ces filles ont elle vie. Moi j'ai besoin de vacances. Si on se voit pas, c'est un problème de timing. Elle m'épouse, elle dit va-t'en. Elle me questionne, c'est qui ces filles ont elle vie. Moi j'ai besoin de vacances. Mon cœur bat pour toi et tu le sais. Arrête de parler dans ma tête. Et voilà qu'elle recommence. Avec toi c'est toujours pareil. H24 prise de tête. Eh mais vas-y toi là, ma vie je vais pas les balais. T'as un problème, tu fais des valises. Mais non, je rigolais, y'a des manières de parler. Si c'est comme ça, bah reste-toi ami. Si on se voit pas, c'est un problème de timing. Elle me pousse, elle dit va-t'en. Elle me questionne, c'est qui ces filles ont elle vie. Moi j'ai besoin de vacances. Si on se voit pas, c'est un problème de timing. Elle me pousse, elle dit va-t'en. Elle me questionne, c'est qui ces filles ont elle vie. Moi j'ai besoin de vacances. Si on se voit pas, c'est un problème de timing. Elle m'épouse, elle dit va-t'en. Elle me questionne, c'est qui ces filles ont elle vie. Moi j'ai besoin de vacances. Si on se voit pas, c'est un problème de timing. Elle m'épouse, elle dit va-t'en. Elle me questionne, c'est qui ces filles ont elle vie. Moi j'ai besoin de vacances. Problème de timing. Problème de...